Chapitre 5e. Je rentrais fort triste chez moi, ou plutôt fort préoccupé, car de la résolution que j'allais prendre dépendait peut-être non seulement mon avenir dont je ne me souciais guère, mais celui de ma famille dont j'étais le chef naturel. Ma mère, qui était la bonté, la grâce et la gaieté même, n'était malheureusement pas femme à prévoir les choses désagréables, ou, si elle savait les prévoir, elle n'aimait pas y penser longtemps. Laure était trop jeune et trop peu expérimentée pour me donner un bon conseil. Caius Schweitzer était parti depuis 3 mois pour New York avec ma sœur Henriette et d'ailleurs n'était pas plus prévoyant que ma mère. Le souci de prendre une résolution dont je sentais l'importance pesait donc sur moi seul. Par bonheur, on ne s'aperçut pas de ma préoccupation et ma mère l'attribua à un excès de travail. Elle venait d'ailleurs de recevoir le jour même, et en mon absence, une lettre de ma sœur. Dès qu'elle m'aperçut, « Viens dîner, » dit-elle, « nous t'attendons. Je te lirai la lettre d'Henriette au dessert. » Cette nouvelle, qui m'aurait comblé de joie en tout autre temps, car j'aimais tendrement ma sœur, ne fit pas sur moi son effet ordinaire. Cependant, je m'efforçais de sourire et d'être gai. Mais Laure, qui me regardait avec attention, soupçonna quelque chose. Le dîner fut expédié en 10 minutes, car d'abord il n'était, comme à l'ordinaire, ni abondant, ni varié, ni succulent, et de plus ma mère brûlait d'envie de me lire sa lettre. Enfin, cet heureux moment arriva. Voici la lettre, l'une de mes plus chères reliques. New York, 1er mai 1850 et quelques. Ma chère mère, Caius et moi, nous sommes enfin depuis 2 mois dans ce beau pays où Caius disait que les perdreaux naissent rôtis et les dindons truffés. La vérité est qu'on y trouve en effet des perdreaux, des dindons et des truffes, mais au moyen de beaucoup d'argent. Dès notre arrivée, Caius, qui était impatient de montrer aux Yankees ce qu'il savait faire, voulut faire annoncer un concert et, dans sa naïveté, fit placarder quelques affiches et faire quelques annonces, dont le prix eut bientôt épuisé notre bourse, qui n'était pas, comme tu sais, des mieux garnies. Cependant, nous eûmes assez de bonheur car notre premier concert paya à peu près le loyer de la salle, le gaz et les employés du contrôle. Les spectateurs parurent contents d'entendre le cor de Caius, mais on fut généralement étonné de ne voir qu'un seul cor et un piano, car j'étais au piano et je chantais. Le lendemain, quand nous regardions avec inquiétude le fond de notre bourse, où le diable allait se loger, un gentleman vint frapper à la porte de ma chambre et s'excusa de s'introduire ainsi lui-même, sans façon, comme un homme libre. C'était le propriétaire de l'hôtel, un long Yankee, frais rasé, sauf un bouquet de poils qui lui couvrait le menton, tout de noir habillé, boutonné, roide, comme s'il avait été empalé en naissant. En un mot, le vivant portrait d'un manche à balai. Du reste, un fort honnête homme, mais qui nasit comme un capucin. Ce gentleman nous fit l'honneur de nous dire qu'il avait eu le plaisir d'assister au concert que nous avions donné la veille et qu'il croyait devoir nous favoriser d'un conseil. Caius s'inclina poliment et j'attendis avec curiosité le conseil dont le gentleman voulait nous faire présent. « Avant tout, madame, me dit-il, avez-vous beaucoup d'argent ?» La question venait fort mal à propos, comme tu penses bien, et je crus pour ma part qu'il était inquiet de savoir si nous le paierons régulièrement. Il lut sans doute cette pensée dans nos yeux car il se hâta d'ajouter « Je vois, madame, que vous ignorez les habitudes américaines. Nous autres, gentlemen Yankees. » Et en parlant des gentlemen Yankees, sa voix s'enfla, comme s'il avait soufflé dans un trombone. « Nous semons l'argent pour récolter l'or, et les dollars pour récolter les banknotes. » En 2 mots, votre salle était vide hier parce que vous n'aviez pas fait d'annonce. Pas d'annonce, interrompit Caius étonné. J'en ai payé pour 653 francs. Une goutte d'eau dans la mer, mon cher monsieur, dit le gentleman, un grain de sable dans le désert. Ici, Caius et moi, nous échangeâmes un regard que surprit le gentleman et qui trahissait sans doute nos inquiétudes, car il ajouta. En 2 mots, madame. « Voulez-vous faire une bonne affaire au lieu d'achever votre ruine? Laissez-moi le soin de tout. Avant 1 mois, je réponds qu'il n'y aura jamais moins de 2 000 spectateurs à chacun de vos concerts. et Cocodeux n'aura payé sa place moins de $2. La proposition vaut combien-t-elle ? Mais, dit Caius étonné, si vous faites ce miracle, quelle sera votre part dans les bénéfices ? Les 3/4 de la recette, répliqua le gentleman. À ces mots, Caius, qui est toujours un peu naïf comme vous savez, voulut se récrier et obtenir des conditions meilleures. Mais le Yankee l'écouta sans répondre, prit son chapeau qu'il avait mis sur un guéridon par grande condescendance, car j'ai remarqué plus tard que le chapeau est collé sur la tête de la plupart des gentlemen de ce pays, et il ouvrait déjà la porte lorsque je m'avisais de lui dire « Monsieur, j'accepte vos conditions ». Là-dessus, il nous présenta un projet de traité qu'il tenait tout près dans sa poche, le signa, nous le fit signer, et sortit en sifflant l'air fameux du Yankee Doodle, qui n'est pas, vous pouvez m'en croire, de la composition de Rossini. Le lendemain, il nous remit d'avance un bon de $2000 sur la National Bank de New York, car, dit-il, personne ne croira votre talent si votre équipage n'annonce pas une brillante fortune. Jetez les dollars par les fenêtres. Les banknotes entreront par la porte. Il parlait avec tant d'assurance et comptait si bien sur le succès que nous suivîmes son conseil, Caius et moi, et qu'outre 5 ou 6 acquisitions fort coûteuses, nous prîmes à notre service 2 domestiques, 1 mulâtre et une femme de chambre irlandaise. Le lendemain, notre cornac, qui s'appelle M. Semei Burton, partit afin de préparer nos logements à Philadelphie. Le vendredi suivant, dès 8 heures du matin, en regardant par distraction le Pennsylvania Star, journal de Philadelphie, que M. Semei Burton avait l'obligeance de m'adresser lui-même, je lus l'article suivant. « Grande nouvelle, formidable attraction, le rossignol du Caucase, romanesque et terrible aventure, le tsar Nicolas jouait comme un enfant, flirtation et coup de poignard, le prince géorgien, dévouement sublime, surprise délicieuse, le corps enchanté. » Ce qui précède est le titre de l'histoire. Quant à l'article lui-même, le voici. Je me garderai bien d'y changer une syllabe. Nous avons le plaisir d'annoncer à nos concitoyens que Philadelphie va bientôt posséder une chanteuse telle que l'Europe tout entière n'en pourrait pas offrir une pareille. Il s'agit de l'arrivée prochaine du rossignol du Caucase qui vient en droite ligne de Londres où il a excité la plus vive admiration. Mademoiselle Elena Raevskoy-Préobage, si connue sous le nom de Rossignol du Caucase, est née dans la vallée du Kour en Géorgie à quelques lieues de Tiflis. Sa mère, nièce du sultan Chamil, avait été enlevée dans une expédition par le général prince Raevskoy-Préobage, hetman des Cosaques du Don, qui l'épousa et la conduisit à la cour du tsar Nicolas. Mais le prince Raevskoy, dont les domaines s'étendaient de la mer Noire à la mer Caspienne et qui commandait à plus de 20 000 cavaliers, retourna bientôt au Caucase et c'est dans un magnifique palais aux environs de Tiflis que Mademoiselle Elena Raevskoy-Préobage a reçu l'éducation la plus soignée. Elle eut dès son bas âge pour maîtresse de chant la célèbre Madame Carabani de Naples, celle à qui le fameux duc de Wellington offrit un jour son portrait et la paire de bottes dont il était chaussé pendant la bataille de Waterloo. On sait que Madame Carabani, embarrassée de ses bottes, qu'on n'avait pas décrottées depuis le jour de la bataille, par respect pour le héros qui avait daigné fourrer ses pieds dedans, en fit présent à sa femme de chambre qui les vendit à un Anglais au prix de 6 000 livres sterling. Mais le destin voulut que cet Anglais, forcé de partir pour Singapour, dont on l'avait nommé gouverneur, échoua avec ses bagages sur la côte de la presqu'île de Malacca, et eut le bonheur de toucher terre en nageant et tenant toujours à la surface de l'eau les précieuses bottes. Là, il fut massacré par des pirates malais, pour qui ces bottes étaient un objet doublement curieux, car d'abord, il n'avait jamais vu de bottes, et à plus forte raison, n'avait-il jamais vu celles de Wellington. Tôt ou tard, nous dirons comment ces pirates les vendirent à des Chinois, qui les portèrent à Hong Kong, où un Français, voyant l'étiquette et le nom du premier propriétaire, voulait les acheter au prix de 25 centimes pour les donner, disait-il, à son domestique, un Dayak de Bornéo. Mais M. Semei Burton, américain du Connecticut, les sauva de cette profanation en les achetant lui-même au prix de $3000. Ce sont ses bottes, toute souillée encore de la boue du champ de bataille, qu'il se propose de montrer au public, ainsi qu'on le verra ci-dessous, dès le premier concert du Rossignol du Caucase. Mademoiselle Elena Raevskoï-Préobage, élève de Madame Caravani, surpassa bientôt sa maîtresse même et s'acquit à Tiflis une si grande réputation qu'un prince géorgien, troisième fils du sultan Chamil, qui en avait entendu parler, en devint follement épris et, à la tête de 10 cavaliers, essaya de l'enlever un jour qu'elle traversait le Caucase sous la garde de son père et d'une escorte de 2000 cosaques. Le prince géorgien l'emportait sur son cheval plus rapide que le vent et galopait le long des affreux précipices qui bordent les rochers du Tchernadag, lorsqu'une décharge de quelques centaines de carabines tua sous lui l'intrépide animal. Le prince, qui s'appelait Koulparslan, c'est-à-dire en langue tcherkesse « Koulp le lion », fit entrer Mademoiselle Raevskoï-Préobage dans une grotte qui se trouvait près de là, et, se portant lui-même devant la grotte, en défendit l'entrée à coups de sabre. De peur que les balles ne vinssent ricocher sur sa fille, le général Raevskoï ne voulait pas qu'on tirât sur Koulparslan et lui offrit inutilement la vie et la liberté. L'intrépide fils de Chamil voulait garder sa proie ou mourir. Enfin, accablé par le nombre, blessé de 8 coups de baïonnette, affaibli par la perte de son sang, il tomba évanoui aux pieds de Mademoiselle Elena. Le général le fit relever et transporter à Pétersbourg, où il allait lui-même avec sa fille, et où Koulparslan reçut le meilleur accueil du tsar, qui voulait faire la paix avec Chamil. Mais le malheur n'avait pas refroidi son amour. Ici, nous aimons mieux laisser la parole à Mademoiselle Elena. Il est des sentiments que le cœur des dames peut seul éprouver et dont notre sexe ne saurait profaner la délicatesse. Qu'il y a eu entre le jeune et beau Koulparslan et Mademoiselle Raevskoï-Préobage, sa cousine, quelque apparence de flirtation, c'est ce que nous ne pouvons ni ne voulons nier ou affirmer. Certains bruits ont couru dans certains cercles bien informés de Pétersbourg que le prince géorgien allait se faire baptiser pour obtenir la main de Mademoiselle Elena et que le vieux général avait mis son consentement à ce prix. Ce qui est certain, c'est que vers ce temps-là, une terrible et tragique catastrophe mit fin à ces deux projets d'avenir. On raconte que Mademoiselle Raevskoï-Préobage, ayant chanté dans un concert à la cour, eut le funeste honneur d'inspirer un très haut et tout-puissant personnage, le plus puissant de tout l'Empire de Russie, nous ne voulons pas le désigner autrement, une passion si vive qu'il ne recula devant aucun projet pour la satisfaire. Ce qui suit est le drame le plus terrible qui ait jamais pu venir à l'imagination de Shakespeare. Le général prince Raevskoï-Préobage, effrayé des dangers qui menaçaient sa fille, avait tout préparé pour s'enfuir en Angleterre d'abord, et de là, dans le libre pays des États-Unis, lorsqu'il mourut subitement, empoisonné, dit-on, par ordre de qui ? On murmure tout bas un nom à Pétersbourg, mais on tremble de le prononcer tout haut. Le jour suivant, sa femme eut le même sort. On avait eu d'abord la précaution d'enfermer Koulparslan dans la forteresse de Kronstadt, de sorte que le rossignol du Caucase était livré sans défense à son tout-puissant ennemi. Mais le prince géorgien apprend la mort du vieux général, il devine tout, il brise la porte de son cachot, désarme un de ses geôliers et le tue, saisit les clés, sort de la prison par une nuit noire, poignarde une sentinelle qui avait fait feu sur lui et donné l'alarme, se jette du haut du rempart dans la mer, nage, le poignard aux dents, jusqu'à la côte de Finlande, touche terre à 2 lieues du palais de Peterhof, trouve un cheval sans maître, saute dessus, galope vers Pétersbourg et arrive au palais du général Raevskoï au point du jour, juste au moment où un chambellan, suivi de quelques agents de police, venait se saisir de Mademoiselle Raevskoï-Préobage et la conduire à Peterhof. Renverser le chambellan d'un coup de poignard, fermer la porte du palais sur le nez des hommes qui le suivaient, y mettre le feu pour détourner l'attention publique, enlever le rossignol du Caucase, l'entraîner vers une porte dérobée vers le port, s'emparer d'une barque vide, y déposer sa cousine et faire force de rame pour atteindre le clipper américain Firefly qui partait au même instant pour Londres, tout cela fut l'affaire d'un moment pour l'impétueux géorgien. Malheureusement, la police l'avait suivi. Il avait atteint 2-3 coups de fusil dans la poitrine au moment même où il allait aborder le navire américain. Le capitaine du Clipper, M. Jonathan Bird, si connu à New York et à Boston, fut témoin de cet indigne assassinat. Il saisit lui-même une carabine, tira sur les agents de police et en jeta un par terre, pour leur apprendre à respecter le pavillon étoilé. Mais le brave Coulpe Arslan lui-même mourut 2 heures plus tard. Il est plus facile d'imaginer que de peindre le désespoir de Mademoiselle Raevskoy Préobage. Arrivée à Londres, elle a donné des concerts dont toute l'Europe parlera longtemps. Le directeur de l'Opéra de Paris lui a offert 6 000 francs par soirée pour chanter le rôle de Lucie dans Lucie de la Marmore. Mais le rossignol du Caucase a fait vœu de ne chanter sur aucun théâtre. Protestante sincère, elle a été convertie à Londres par le célèbre M. Simon Wesley. Elle fuit les pays catholiques et la sentine de l'impure Babylone. Elle consent à chanter dans des concerts, mais elle aurait horreur de se montrer sur un théâtre. Comme ces femmes perdues dont a été dit dans le Livre Saint qu'elles sont des sépulcres blanchis, des filles de Babylone et de Tyr, des Madianites et des Amalécites. Elle se fait accompagner dans ses voyages du célèbre corniste hongrois János Schweitzeri, surnommé le cor enchanté, qui a joué un si grand rôle dans la Révolution de Hongrie et qui était le bras droit de Kossuth. On sait que János Schweitzeri, fait prisonnier par les Croates à la bataille de Temesvar, dut la vie à son cor qui charma tellement l'empereur d'Autriche qu'il offrit au grand artiste une tabatière en or et le sabre à poignée enrichi de diamants qui avait appartenu autrefois à Sobieski. À son merveilleux talent pour jouer du cor, M. János Schweitzeri joint les facultés éminentes d'un chef d'orchestre ainsi qu'on pourra s'en assurer dès le premier concert que ces deux artistes inimitables se proposent de donner à Philadelphie dans Music Hall, Chestnut Street, 182, samedi prochain à 8h du soir. Le prix d'entrée est fixé à 6 $ par tête. Les ladies et les gentlemen qui voudraient bien ce jour-là favoriser Music Hall de leur présence pourront jouir en outre de la vue des bottes immortelles de Sa Grâce le Duc de Wellington précédemment décrites, du chapeau dont George Washington était coiffé lorsqu'il traversa le Delaware avec son armée, de la première robe que portait la princesse Powhatan lorsqu'elle fut présentée à la reine Élisabeth d'Angleterre, de 2 éléphants qui ont appartenu au roi de Siam, et d'un tigre du Bengale qui a dévoré, dit-on, le lieutenant Smith du 3e d'infanterie indigène à 2 lieues de Bénarès. Tous ces objets appartiennent à la grande collection de curiosités de M. Sammy Burton du Connecticut, propriétaire du Caucasian House à New York. Je n'ai pas besoin de te dire, chère maman, avec quel sentiment d'indignation je lus cet article. Ainsi, ce Yankee nous regardait comme 2 bêtes curieuses dont il se faisait le cornac, se chargeant de faire valoir nos talents de société et de faire la quête. Je regardais Caius, pensant qu'il ne serait pas moins indigné que moi-même, et en effet, je dois lui rendre cette justice, qu'au premier abord, il était furieux du sans-façon avec lequel M. Sammy Burton avait disposé de nous, de notre vie à venir, et ce qui est plus étrange, de notre vie passée. Mais, ajouta-t-il après un instant de réflexion, s'il n'y a pas d'autre moyen d'attirer le public à nos concerts, après tout, M. Burton nous rend service aussi bien qu'à lui-même, et cette fois, je l'avoue, ma colère se tourna contre mon mari, et ce coquin de Yankee fut cause de la première querelle que j'ai eue avec ce pauvre Caius, et la dernière aussi, je l'espère. Pour moi, je fus d'avis de rompre sur le champ avec M. Burton et de retourner en Europe plutôt que de... Retourner en Europe, c'est fort bien, interrompit Caius, mais avec quel argent? Eh bien, lui dis-je, restons à New York s'il le faut, mais donnons à M. Burton son congé, à moins qu'il ne consente à se rétracter et à remplir loyalement les conditions du traité. Et séance tenante, j'obligeai Caius à prendre la plume et à signifier cet ultimatum à M. Semei. Le lendemain, vers 8 heures du soir, le gentleman était revenu de Philadelphie. Voici textuellement la conversation que nous eûmes avec lui. « Madame, dit-il en s'asseyant et en déposant à côté de lui sur la table un paquet énorme de journaux, je viens vous avertir que nous partions demain par le train express pour Philadelphie. » Cela fut dit du ton péremptoire d'un créancier qui veut être payé à l'échéance. « Monsieur, vous avez reçu sans doute la lettre de mon mari. » J'appuyais sur ces 2 mots, « mon mari », d'abord pour faire allusion à la ridicule histoire qu'il m'avait attribuée, et ensuite pour donner du courage à ce pauvre Caius, qui n'est pas, vous le savez, d'une fermeté à toute épreuve. M. Burton s'en était aperçu, je crois. Aussi s'adressa-t-il surtout à moi. « Madame, dit-il nettement, J'ai reçu votre lettre et je ne conçois pas vos scrupules. Ces choses-là se font tous les jours en Amérique, sans que personne en soit scandalisé ni étonné. Quoi, un faux nom, une fausse histoire, des aventures ridicules, et vous prétendez, monsieur, que cela se fait ici tous les jours ? Il paraît que j'élevais assez haut la voix, car M. Burton parut étonné de ma résistance. « Après tout, ajouta-t-il, si l'histoire est fausse, à qui cela fait-il du tort ? À vous ? Pas le moins du monde, car je vous fais du premier coup princesse et petite fille d'un héros. De plus, je dis que vous avez été adorée, et qu'un prince jeune et beau s'est fait tuer pour vous. Mais, madame, voudriez-vous qu'on dise le contraire, et que, jeune, charmante et gracieuse comme la nature vous a faite, il ne s'est trouvé personne pour vous aimer et se faire tuer à votre service ? Croyez-moi, madame, il n'est pas une jeune fille en Amérique, ni peut-être dans le reste du monde, qui n'envie à présent le sort de mademoiselle Helena Ravskoy-Préobage et qui ne fut ravie d'inspirer une passion si belle au prince Koulbarslan. Ce qui fait le désespoir des jeunes misses de ce pays-ci, c'est justement d'avoir des amoureux trop paisibles, qui les aiment de 6 heures du soir à minuit en prenant le thé, et qui les oublient tout le long du jour pour acheter ou vendre du coton, du fil, du poivre, de la cannelle, de la laine et de la soie. Prenez la première venue des belles de New York et proposez-lui ce soir d'être aimée par un tsar et enlevée par un prince géorgien, et vous verrez si elle hésite. La question des dollars mise à part, bien entendu, car le dollar est Dieu. Peu importe, monsieur, dis-je alors, je suis résolu à ne point chanter dans vos concerts si vous ne démentez ces bruits absurdes. Vous êtes bien résolu, demanda Burton. Oui, monsieur. Eh bien, moi, madame, je suis résolu à faire exécuter notre traité. Et d'abord, êtes-vous en état de me rendre les 2000 dollars que je vous ai donnés pour art du marché ? À ces mots, Caius pâlit, et je sentis le cruel avantage que M. Burton avait pris sur nous. Les 2/3 de cette somme avaient déjà été employés, d'après son conseil, en achat de toute espèce, et le remboursement était impossible. « Eh bien, continua-t-il après un court silence, où est cet argent ? Vous ne l'avez plus ? Je m'y attendais. Il ne vous reste donc qu'à exécuter le traité. Mais, lui dis-je à mon tour, il y a des juges à New York. Vous me menacez d'un procès. À merveille. Il faudra d'abord trouver un avocat et le payer d'avance. Or, comme il verra bien que s'il gagne son procès, vous serez réduit à la mendicité, il se gardera de le plaider, ou s'il plaide, de le gagner. De plus, lisez vous-même l'article 6 de notre traité. » Et tirant le traité de son portefeuille, il lut l'article 6 ainsi conçu. Et, en échange des avantages à eux garantis par le présent traité, s'engagent l'édicieur et dame Schweitzer à favoriser par toutes les voies et moyens quelconques les démarches que le sieur Semei Burton jugera nécessaire de faire dans l'intérêt commun. En fait et en droit, madame, je gagnerai mon procès. Mais, lui dis-je, vous devez craindre le scandale. Moi, madame, point du tout. Tout le monde rira de mon idée, juge, avocat, spectateur, et le public lui-même, qui ne demande qu'à être trompé pourvu qu'on l'amuse, sera le premier à louer mon habileté. On dira que je suis un habile homme, un smart man, et mon crédit en sera doublé. Enfin, prenons le cas le plus favorable, et supposons que je perde mon procès. Il faudra me rendre mon argent. Avez-vous 2000 dollars dans votre secrétaire ? Et si vous ne les avez pas, êtes-vous résigné à entrer dans la prison pour dette ? Le raisonnement était sans réplique. J'essayais vainement de m'adresser à la loyauté et à la délicatesse de M. Semei Burton. Ce gentleman ne pensait qu'à une seule chose, recouvrer l'argent qu'il avait avancé et en gagner de nouveau. « Réfléchissez, madame, me dit-il, que j'ai fait des avances considérables. 2000 dollars à vous seul, 6 000 aux principaux journaux de Philadelphie, car le Star n'est pas le seul qui ait parlé de vous. Lisez le Sun, le Post, le Globe, le Tribune et tous les autres. » Et voyez quelle broderie ils ont faite sur le canevas commun que je leur ai fourni. Déjà, je suis en marché avec ceux de Washington, de Baltimore, de Harrisburg et de Cincinnati. Tout cela me coûte les yeux de la tête, mais je sème abondamment pour mieux récolter. Tenez, à quoi pensez-vous que soit employé aujourd'hui mon agent de Philadelphie ? Je vous le donne en 1000. Eh bien, il recrute 500 personnes à 1 dollar par tête pour vous préparer une entrée triomphale. Les cris de ces 500 attireront 3000 imbéciles et 10 000 curieux qui vont se presser au débarcadère et vous faire un accueil pareil à celui qu'on fait aux rois dans les pays où il y a des rois. Je ne serais même pas étonné que la milice se mit sous les armes, car notre milice nationale, qui est la première du monde, sera heureuse de se montrer en uniforme, de quitter l'atelier et la boutique, de vous voir et de se faire voir. Que pouvions-nous faire? Des deux parts, le ridicule était certain. La prison pour dette emporta la balance, et il fut convenu que le lendemain, M. Semey Burton, Caius et moi, nous partirions ensemble pour Philadelphie. Notre voyage ne fut marqué par aucun incident particulier, si ce n'est qu'en approchant du débarcadère, nous entendîmes un grand bruit, car je ne sais si cela doit s'appeler de la musique, et nous vîmes un bateau à vapeur qui s'avançait vers nous, portant une centaine de musiciens qui soufflaient dans tous les cuivres de la création. Un drapeau pavoisé aux couleurs des États-Unis flottait au-dessus du bateau et dans ses plis, on pouvait lire en gros caractères l'inscription suivante « À Mademoiselle Helena, princesse Raevskoï Préobage, la ville de Philadelphie ». La musique, le bateau, le drapeau, les musiciens, tout était en l'honneur de ta fille. Je me demandais par moments si c'était un rêve et si je ne serais pas réveillé de ce rêve par une grêle de pommes cuites. Mais la sérénité et l'assurance de M. Burton, qui prenait sa part du triomphe qu'il nous avait préparé, me rendit à moi-même quelque assurance. D'ailleurs, nous étions trop avancés pour reculer. Au débarcadère, M. Burton m'offrit également la main pour mettre pied à terre, et je montai au milieu d'une foule compacte qui me saluait des acclamations les plus variées dans une voiture découverte à 4 chevaux. Nous fûmes conduits au pas jusqu'à l'hôtel, car il fallait bien contenter l'envie qu'avait le peuple américain de contempler la princesse Raevskoï Préobage. À peine arrivés à Gerard House, nous fûmes forcés de paraître au balcon du premier étage pour répondre aux cris de bienvenue des gentlemen de toute espèce, crottés ou non, qui étaient avides de me voir. Mais là, une autre épreuve m'attendait. Tous ces gentlemen se mirent tout à coup à crier « Here, here !» Écoutez, écoutez, croyant que j'allais parler, ou que Caius parlerait, ou M. Burton. « Madame, dit notre cornac, le peuple américain attend que vous lui disiez quelque chose. » Et comme j'hésitais, « Ce qu'il vous plaira, madame, la première chose venue, ceci, par exemple. Qu'ils sont le premier et le plus grand de tous les peuples. Allez, allez, pourvu que vous leur fassiez un compliment, ils vous tiendront quitte de tout. » Par bonheur, avant de me montrer sur le balcon, j'avais eu le temps de lisser un peu mes cheveux et d'arranger ma coiffure devant une glace. J'étais donc, sans vanité, assez en état de paraître devant le public. Je mis la main sur mon cœur et je dis « Non, je ne veux pas vous répéter ce que je dis. Vous vous moqueriez de moi, sans aucun doute, Laure surtout, qui est si rieuse, et le sévère Gaston Phoebus. Qu'il vous suffise de savoir que j'ai parlé un quart d'heure, sans respirer, en leur disant qu'ils étaient grands, beau, jeune, joli, généreux, modeste, savant, bien élevé, artiste jusqu'au bout des ongles, et que d'un pôle à l'autre, on n'entendait que leur éloge. Quand le discours fut fini, M. Burton me dit que s'il avait su que je possédais un talent oratoire aussi distingué, il m'aurait engagé pour faire des discours et non pour chanter en public. Le fait est que ma petite harangue fut trouvée admirable par tous les journaux, qu'elle fut rapportée tout au long, comme si j'avais été George Washington lui-même, qu'on dit que j'étais la plus belle personne des temps modernes, et enfin, qu'on me félicitait de n'être pas encore marié, ce qui laissait apparemment des espérances à tous les célibataires des États-Unis. On insista même sur ce point avec tant de persévérance que le pauvre Caius en était tout déconfit et que je ne pouvais pas le regarder sans rire lorsqu'il me lisait le journal. « À quoi bon ce conte absurde ? » disait-il l'autre jour à M. Burton. « La voix de ma femme en sera-t-elle plus belle et plus harmonieuse ?» Mais Burton le regarda avec un grand sang-froid et lui dit « Mon cher monsieur, ce conte absurde, comme vous l'appelez, est la moitié de votre succès. Croyez-vous que le public de ce pays-ci soit très connaisseur et très ami des arts? Non. Mais il veut qu'on l'amuse et qu'on l'étonne. Si la voix de Madame Schweitzer était fausse, ce qu'à Dieu ne plaise, personne ici ne serait en état de s'en apercevoir. Ou si quelque connaisseur s'en apercevait, je lui fermerais la bouche sur le champ. en disant que Mademoiselle Raevskoy Préaubage est la personne la plus vertueuse et la plus assidue aux exercices religieux qu'il y ait en Europe. Tout le monde serait pour elle, et le calomniateur, confondu, serait peut-être goudronné et roulé dans un tonneau de plumes. Au reste, je suis content de notre entreprise, tout marche à merveille, et notre premier concert a donné 15 000 $. Voilà, bonne mère, à quoi nous passons le temps à Philadelphie. Deux fois par jour, je reçois des députations, je harangue les gentlemen qui vendent du coton, ou les gentlemen qui fabriquent des souliers, ou les gentlemen qui balayent les rues, ou les gentlemen qui représentent le peuple au congrès, ou les gentlemen qui pétrissent le pain. Je secoue la main de chacun d'eux, je reçois leurs compliments. Je les leur rends avec usure, ainsi qu'aux jeunes demoiselles sans emploi qui viennent me demander mes conseils. J'ai donné un concert pour les pauvres, ce qui a doublé ma popularité. Je me laisse photographier debout, de face, de profil, de dos, assise. Je donne mon nom à des établissements de toute espèce, et même à des omnibus. Caius, tout ébloui de nos succès, donne du corps comme Roland à Roncevaux. Avant 3 mois, nous serons riches, et nous reprendrons le chemin de la rue Racine pour vous raconter nos aventures. Quiconque a beaucoup vu doit avoir beaucoup retenu. Adieu, mère, frère et sœur. Votre Henriette vous embrasse tous trois et brûle de se retrouver avec vous au coin de la cheminée. H. SCH. Lorsque ma mère eut terminé la lecture de cette lettre, Laure et moi nous gardâmes assez longtemps le silence. J'étais indigné d'apprendre que ma sœur, ma chère Henriette, fut forcée par la nécessité et la maladresse de Caius Schweitzer de se donner avec son mari en spectacle aux Américains comme un couple de saltimbanques. Ma mère, étonnée de ce silence, m'en demanda la raison. « Ce grand bonnet de Caius n'en fera jamais d'autre, lui dis-je. Il sera toujours la dupe du premier venu. Mais ce qui m'afflige de plus, c'est de voir qu'il traîne Henriette avec lui et que tôt ou tard elle sera forcée de prendre goût à cette vie de bohème où les meilleurs esprits se corrompent et où les cœurs les plus fiers s'avilissent. « Ta, ta, ta !» dit ma mère qui voyait toujours les choses en rose. « Tu es bien sévère, mon cher Gaston Phébus. Henriette et Schweitzer sont deux artistes qui courent le monde. Quel mal y a-t-il à cela ? Aimerais-tu mieux que Caius fît l'usure comme la Banque de France ou prêta de l'argent sur gage comme un commissionnaire du Mont de Piété ? Caius a pris le bon parti. C'est un honnête garçon qui, musique et philosophie à part, n'a pas deux idées. Cependant, il a besoin de boire et de manger, comme la plupart des hommes. Il sent son incapacité et il a pris le parti de s'en remettre au Yankee du soin de le faire vivre. Ma foi, loin d'en vouloir à ce cher monsieur Semmy Burton, je me sens toute disposée à le remercier d'avoir pris soin de leurs affaires. C'est une garantie qu'ils auront au moins le vivre et le couvert, et peut-être quelque chose de plus. Ne seras-tu pas bien aise, Gaston Phébus, de voir revenir Henriette avec 1,2 million comme Jenny Lind, et de lui voir acheter un bon vieux château en Auvergne avec 200 ou 300 hectares de vignes et de prairies, où tu pourras te promener et chasser à l'aise dans la belle saison, toi qui n'as jamais vu de lièvre que sous la forme de civet, ou pendu derrière la vitrine des restaurateurs? Une fois lancée sur cette pente, rien ne pouvait plus arrêter ma mère. Elle écrivait déjà l'architecture et les proportions du château. Il devait être du 12e siècle, pour le moins, et bâti sur un rocher à pic, isolé et suspendu au-dessus de précipices effroyables. Il ne devait pas avoir moins de 4 tours, dont une octogone. C'est dans celle-là que devait être la chambre de Laure, à côté de la sienne. À droite était la chaîne des Monts d'Or. La vue s'étendait à gauche et en avant sur la fertile Limagne. Au pied du château coulait une petite rivière, célèbre par ses truites, ses ombres et ses tacons. « Mais, dit ma mère en s'interrompant tout à coup, vous ne m'écoutez pas, je crois. Serais-je déjà une radoteuse ?» Gaston Phébus est immobile et silencieux comme un héron posé sur une patte, et Laure me regarde d'un air impatient, comme si elle voulait me mener à la promenade. « Eh bien, allez-y, tous deux, mes chers amis. Je ne vous accompagnerai pas ce soir, je me sens fatigué. » Je me hâtais de profiter de la permission et d'entraîner Laure, car je craignais d'affliger ma mère en lui racontant la conversation que j'avais eue dans la journée avec M. Plotin, et cependant j'avais un besoin irrésistible de verser mes confidences dans un cœur ami.